radio, autrement. 89.1. C'est vous. Comment? C'est fou, 89.1 FM et l'Association générale des étudiants de l'UQTR vous présentent maintenant, en direct de la Chasse-Galerie, la tribune des candidats à la mairie de Trois-Rivières aux élections municipales 2013. Alors, bonjour à vous tous, ici public de la Chasse-Galerie ainsi que auditeur sur le réseau C'est fou 89.1. Mon nom est Mathieu Roy, je suis l'animateur de la journée. Pour le débat entre les candidats aux élections municipales, nous avons presque l'ensemble des candidats, il nous en manque seulement un, je vous laisse deviner. Et, dans le fond, on va y aller. Petite question à l'auditoire qu'on a ici présent, est-ce qu'il y a des personnes qui sont renseignées sur les candidats aux élections? En levant la main tout simplement, qui se sont renseignés? Et pour la séance, comme vous savez, vous avez un temps limite. La première fois que vous dépassez le temps, c'est un simple avertissement qui vous est donné. La deuxième fois que vous dépassez le temps, le micro est coupé. Et la troisième fois, on n'espère pas s'y rendre, mais la punition est beaucoup plus sévère. Je vous laisse... Alors, on va y aller avec la présentation des candidats, dont l'honneur est donné par hasard à Mme Sylvie Tardif. Donc, je vous invite à vous exprimer. C'est à vous dès maintenant. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour les candidats. Bonjour M. Lévesque. Ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous. Je suis Sylvie Tardif. Je suis native de Trois-Rivières, du quartier Sainte-Marguerite. J'ai fait une partie de mes études ici à l'UQTR. Et j'ai une maîtrise en sociologie et travail social de l'UQAM. Je suis conseillère municipale depuis 10 ans dans le district de Marie de l'Incarnation, qui est le district où il y a Sainte-Cécile, Saint-François-d'Assise, Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, le quartier historique et le secteur des Chenaux. Et je suis coordonnatrice générale et fondatrice d'un organisme qui s'appelle Concept, qui est un organisme communautaire de lutte à la pauvreté, d'éducation populaire, d'alphabétisation. Et on a de nombreux partenariats avec l'UQTR, avec des stagiaires, avec de nombreux projets, des études, des recherches. Et mon agent Merci. Officiel est Alain Merci, Gamelin. Madame Tardif. Merci beaucoup. Je n'avais pas vu ton 30 secondes. Ouais, non, il va falloir que tu m'appuies en avant. Oui, mais j'avais un journaliste. Ah oui. Si, faut pas empiéter sur les journalistes. Je pensais qu'on était rendu à 30, j'ai sorti le 5. Parfait. Madame Girard, c'est à vous, donc, pour une minute toujours. Allez-y. Alors, bonjour. Moi, j'ai 40 ans. 40 ans d'expérience. Alors, j'ai dirigé au fil du temps des équipes de toute taille dans des secteurs aussi diversifiés que le commerce de détail, le financement d'entreprise, le transport en commun, l'édition, les services publics et j'en passe. Je suis reconnue comme étant une gestionnaire exigeante pour elle-même et pour les autres. J'ai une pensée stratégique et je suis capable de mobiliser des équipes vers l'atteinte d'objectifs précis. J'ai travaillé au Québec, au Canada et à l'étranger. Je suis une personne ouverte sur le monde et sur les différences. J'ai une approche inclusive de la société. Et je ne fais jamais de promesses que je ne peux tenir. Vous avez 5 secondes en banque. Ah, oh, c'est bon! C'est bon! Ils sont pas donnables. Parfait. Une minute à vous, M. Saint-Germain. Allez-y. Bonjour tout le monde. J'avance mon micro. Je me nomme Richard Saint-Germain. Je ne suis pas un politicien de carrière, mais un gestionnaire de carrière. J'ai 25 ans d'expérience à titre de comptable agréé en gestion à l'interne dans les entreprises, mais aussi en vérification. J'ai réalisé une maîtrise en administration des affaires qui m'a permis de bien comprendre le rôle psychologique de la gestion. Essentiellement, ce qui m'amène ici aujourd'hui, ce n'est pas par ambition que je suis là, mais par conviction. J'ai la chance d'être à la tête d'une équipe extraordinaire au sein de Force 3R, qui compte actuellement 10 candidats dans différents districts. Toutes nous autres, nous n'avons aucune expérience en politique. Nous sommes là, nous sommes vierges en politique et nous voulons faire de Trois-Rivières quelque chose d'intéressant pour les jeunes. Merci. Parfait. Félicitations. À vous, M. Fortin, de vous exprimer. Vous avez également une minute. Merci. Pierre-Benoît Fortin, j'ai 7 ans en gestion de conflits dans un sous-ministère du ministère du Travail du Québec. Donc, s'il y avait un problème du côté de convention collective et autres, on négociait, puis en fin de compte, on réglait le problème. Sinon, on s'en allait en cours pour ça. 18 ans en gestion des travaux de construction et expertise en bâtiment. Donc, pour ce qui est des cas de pyrotite et pour ce qui est des cas aussi de champignons et autres, comme vice caché. 33 ans en politique provinciale fédérale. Je suis présentement sur 2 comités. Je suis président du comité exécutif provincial ici dans la région et un autre vice-président du comité politique fédéral. Fait que je suis au courant des dossiers fédéraux et provinciaux dans la région et des négociations à venir aussi. Merci. Parfait. Merci. Parfait. Donc, à vous, Mme Dufresne, vous pouvez y aller dès maintenant. Bonjour. Moi, je suis native du lac Saint-Jean. Je viens de l'extérieur, peut-être comme d'entre vous. Diplômée du QTR en ressources humaines. Je suis déjà conseillère municipale depuis 2009. J'ai été aussi dans les Patriotes de natation. J'ai fait de la compétition. En gros, je suis une femme d'équipe axée sur le partenariat. Et c'est ce que je veux ramener à la ville de Trois-Rivières. D'ailleurs, je vous invite à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Déjà aujourd'hui, je vais vous promettre 2 engagements, d'avoir des sièges réservés à la STTR pour les jeunes, le transport en commun, et aussi un sur un comité de la ville au niveau du transport. Vous avez une place à prendre au sein de la ville, puis ça, je vais vous la donner. Ce que j'entends sur le terrain, puis que je vais apporter de l'emploi, c'est ce qu'on manque. Trop souvent, vous partez après vos études à l'extérieur, et c'est ce que je vais apporter. Et merci. Ah, ben là... C'est moi qui ai parlé aussi beaucoup du monorail. Moi, je pense que ça peut être porteur pour le futur. Merci. Pardon. Alors, pour cette question... Pardon, des choses qui arrivent. Pour cette question, vous aurez 2 minutes pour y répondre. Chacun des candidats à votre tour dans le même ordre qui a été préalablement établi. Et la question à répondre cette fois-ci est, en tant que mairesse ou maire, qu'aurez-vous à offrir aux étudiants et aux étudiantes? Vous avez 2 minutes. Madame Tardif, c'est à vous dès maintenant. Merci. Ce que je peux vous dire, moi, ça fait 10 ans que je suis conseillère à la ville de Trois-Rivières, puis la préoccupation jeune n'est pas là. Elle n'est presque pas là, elle est absente. Et je considère que c'est quelque chose qu'on doit changer. Puis moi, je suis le style que quand je fais des promesses, j'y tiens. Et quand je dis des choses, je pose des actions. Déjà cette semaine ou la semaine dernière, j'ai annoncé de mettre en place une politique jeunesse où on aurait le contenu de cette politique jeunesse-là par et pour les jeunes. Un comité de travail serait formé pour permettre aux jeunes de nous donner des grandes orientations sur ce que la ville doit faire pour améliorer la condition des jeunes, la qualité de vie des jeunes. Ensuite, dans cette politique jeunesse-là, il y a un volet entrepreneuriat, parce qu'on doit développer le volet entrepreneurship dans notre ville de Trois-Rivières. Puis le comité pourra identifier d'autres éléments. Je veux mettre sur pied, dans les comités actuels à la ville, faire de la place aux jeunes, comité de développement social, comité qu'il n'y a pas de jeunes présentement. Ensuite, les jeunes qui arrivent de l'extérieur, que la ville vienne vers eux, qu'on mette des kiosques devant l'auditorium, qu'on explique nos services, qu'on leur fasse une tournée. La majorité des jeunes qui viennent à l'UQTR sont de l'extérieur de Trois-Rivières, alors que la ville vienne vers eux et leur fasse connaître quelle est notre ville. Je sais que les jeunes ont une préoccupation pour l'environnement. J'ai lancé aujourd'hui le volet de mon programme « Environnement », où on va parler de jardinage urbain, où on va parler de l'île Saint-Quentin gratuite, où on va parler de stationnement vert, de toits verts. Et la dernière chose, je vais m'attaquer à la dette, parce que c'est vous, la génération future, qui aura à payer la dette que le maire actuel a capitalisée depuis les dernières années. Merci Mme Tardif. Je vous laisse prendre le micro, Mme Gérard. Oh, je viens en nuit technique. Oh, on n'a pas de soundman pour ça. Parfait. Donc, vous avez également 2 minutes, Mme Girard. Je vous invite à vous exprimer dès maintenant. Alors, écoutez, je vais revenir sur un engagement que j'ai pris déjà, il y a déjà quelques temps. J'ai annoncé, lors de la première conférence de presse que j'ai tenue, que j'allais piloter, dans la première année du mandat, un vaste chantier de réflexion et de planification où les citoyens, la société civile, les organismes, l'administration publique, les élus vont dessiner ensemble la ville dont nous rêvons. Je l'ai appelé Horizon 2020. On m'a posé la question sur Horizon 2033, mais c'est la même chose. Cette ville-là a été créée avec la fusion il y a plus de 10 ans et il n'y a pas eu de véritable réflexion sur où, que voulons-nous nous faire de cette ville et comment allons-nous le faire. C'est ce que je propose. Alors, c'est clair que les jeunes, on sait que Trois-Rivières est une ville vieillissante, une ville où la population de Trois-Rivières vieillit, mais aussi qui attire des gens plus âgés que la moyenne provinciale. Et moi, je tiens vraiment à garder des jeunes à Trois-Rivières. Alors, les jeunes vont être invités à participer à ce chantier, à exprimer leurs attentes, mais aussi à faire valoir leur contribution au développement de la communauté. Alors, tous les aspects de la vie trifluvienne seront abordés, développement économique, société, environnement, loisirs et services. Tantôt, j'ai demandé qu'on pose la question « Qui s'était documenté sur les candidats que vous avez devant vous? » Et je n'ai pas vu beaucoup de mains. Et j'avoue honnêtement que ça me déçoit un peu, parce qu'on ne peut pas, je pense, demander aux élus « Qu'allez-vous faire pour nous? » si on n'a pas aussi envie de faire quelque chose pour la communauté. Alors, je vais soutenir évidemment le développement de l'innovation, de l'entrepreneurship, et je pense que sont les jeunes, d'ailleurs, la Fondation de l'entrepreneurship reconnaît la vitalité de la jeunesse. Merci beaucoup, Mme Girard. Très beau. Monsieur Saint-Germain, vous connaissez le principe dès maintenant. Allez-y, c'est à vous. Aujourd'hui, vous allez en entendre des promesses. On vous en fait des promesses. Toutes les gens sont assis en avant de vous et là, on vous courtise. On vous promet toutes sortes de choses, mais qui vous a écouté au cours des 4 dernières années? Est-ce que avez-vous été entendu au cours des dernières années? Il y a des personnes ici qui sont à table, qui étaient sur le conseil municipal depuis 4 ans. Est-ce qu'ils sont venus vous rencontrer? Est-ce qu'ils sont venus écouter ce que vous aviez à faire, à dire? Non, ils ne le font pas. Mais là, en campagne électorale, il y a toutes sortes de beaux projets qui viennent. Nous, ce qu'on propose aux étudiants, c'est ce qu'on a proposé aux aînés. C'est la bienveillance citoyenne. Être à l'écoute, vous respecter et interagir avec vous autres sur une base continuelle. C'est trop facile de venir ici puis venir vous parler que oui, on va soutenir la PME, mais ça n'intéresse pas tout le monde, la PME. Oui, on va soutenir des projets, mais ça n'intéresse pas tout le monde, les projets qu'on veut soutenir. Ce qui compte pour les jeunes, c'est que vous soyez écoutés et entendus. Dans la présentation, on a déjà entendu des promesses. On va vous donner un siège à la STTR. Nous aussi, on va le faire. Est-ce qu'on va surenchérir sur les promesses électorales? Parce qu'on est en campagne électorale, on veut tout vous dire qu'on va être les plus beaux, les meilleurs, les plus fins. Alors qu'au fond, ce que vous avez de besoin, c'est d'une équipe qui va vous écouter, d'une équipe qui va vous donner la place qui vous revient. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes, vous êtes capables de manifester vos besoins. Malheureusement, le maire actuel qui n'est pas là, lui, il ne vous écoute jamais. En fait, il n'écoute personne. Nous, on vous propose de vous écouter. On vous propose de vous accompagner, puis de vous soutenir dans vos démarches pour obtenir un bon diplôme, puis de vous trouver un emploi intéressant. Je vous remercie beaucoup. Vous m'avez pris d'avance, M. Saint-Germain. La parole est à vous, M. Fortin. Vous pouvez y aller dès maintenant. Oui, il faut réaliser aujourd'hui que la dette est rendue à 400 millions de dollars. Je l'ai étalée jusqu'en 2024. Ça va être à 701 millions de dollars. C'est une augmentation d'environ 25 millions par année. Donc là, il faut faire vraiment un arrêt total de ces folies-là. Suite à ça, ma proposition est de créer un comité pour créer une synergie avec la ville et l'université. Donc, dans tous les départements, comme le génie mécanique, génie industriel, génie chimique, génie comptable, sciences administration, chiropratique et psychologique. Le but de ça, c'est de former un comité de jeunes et d'aînés. Donc, le comité de jeunes va nous dire qu'est-ce qu'ils veulent avoir dans le futur, exemple. Puis là, le comité d'aînés qui va être avec eux autres, vont travailler en partenaire. Eux autres, ils vont regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, puis on va vous régler les problèmes en rapport à ça, en rapport à la dette et en rapport à la gestion des conflits. C'est beau. Et suite à ça, je vais proposer d'environ 20 bourses d'études de 1 000 $ pour améliorer les, ceux qui vont améliorer leurs notes dans le secteur, parce que ceux qui ont des notes, point de vue moyen, n'ont pas de bourse en tant que telle, c'est juste sur les plus-values. Donc, ceux qui ont des plus hautes notes, qui ont des bourses, alors qu'on devrait motiver les jeunes aussi en même temps. Et aussi, c'est que la transparence devra être au conseil pour tous les contrats. Ils devront être au conseil municipal. Puis ceux qui veulent assister à l'ouverture des enveloppes vont être là. Ils vont pouvoir poser des questions à ceux qui ont eu des contrats. Puis pourquoi un tel a eu un contrat, puis l'autre année, il a eu encore un contrat. Il faut vraiment que cette municipalité, que tout ce qui se fait soit fait en transparence. Merci. Parfait. Madame Dufresne, permettez-moi un petit instant. Et maintenant, c'est à vous. Alors, moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est d'amener Trois-Rivières à un autre niveau. On a une position géographique extraordinaire et je pense qu'on peut faire encore beaucoup plus. Mais ça va passer par l'innovation, puis il va falloir qu'on fasse autrement. Il va falloir qu'on passe de la culture d'industrie à la culture entrepreneuriale. Et ça va passer par les jeunes. Et pour y arriver, il va falloir qu'on s'inspire des meilleures pratiques. Il va falloir qu'on s'inspire des meilleures pratiques au Québec, au Canada et partout dans le monde. Et ça, je pense que vous serez les meilleurs pour y arriver, pour nous inspirer. Et ce que je vous offre, moi, oui, j'ai fait une promesse, mais les promesses qui sont les plus dispendieuses, c'est des congés de taxes. Moi, je vous offre une bourse, une enveloppe de 25 000 $ pour des projets étudiants. Exemple, mais il faut que ça touche le développement économique, la création d'emplois à Trois-Rivières et l'amélioration des services municipaux, transport, culture, loisirs. Comment ça peut s'organiser? Exemple, pour avoir une bourse, demander 2 000 $ pour des étudiants qui voudraient faire une étude sur des problèmes de stationnement qu'on vit actuellement, l'UQTR, le centre hospitalier. Ils pourraient avoir une autre bourse, exemple, pour quelqu'un qui veut faire un séjour à Lyon. On le sait que c'est les pionniers en matière de ville intelligente, alors il faut aller s'inspirer ailleurs. Il y en a qui font des choses extraordinaires, puis il faut qu'on ramène ça à Trois-Rivières. Il pourrait avoir des projets qui portent sur l'environnement, sur les nouvelles technologies. Évidemment, ça va être un programme qui va y avoir des critères, un comité de sélection. Vous allez avoir des comptes à rendre. Ça va être un encadrement qui va être structuré. Mais moi, je suis convaincue que le futur, ça passe par les jeunes, puis il faut avoir une collaboration avec les étudiants. Ben, en fait, je vais vous parler aussi tantôt de la pépinière des PME que je vous propose. Puis si vous avez la chance, vous avez dans le Nouvelliste aujourd'hui ce que je vous propose pour la jeunesse. Parfait, merci. Allez, là, on a eu le droit à 2 minutes de présentation brève des candidats. Maintenant, on passe aux questions directes qui ont été données à l'avance aux candidats et candidates. Il y a 1 minute pour répondre à la question pour les candidats. Et ensuite, il y a 2e minute qui sera louée dans le même tour suivant pour répliquer à ce que les autres candidats. Donc, je vous invite à présenter plus qu'est-ce que vous voulez apporter. Et ensuite, vous pourrez répliquer dans la minute suivante qui vous sera donnée. Est-ce que ça vous va, tout le monde? Est-ce qu'on peut faire un hochement de tête? Ça vous va? Oui, oui, oui, oui. Parfait. Excellent. On peut y aller dès maintenant. La question que vous avez à répondre pour l'instant, c'est qu'allez-vous faire pour diminuer l'exode des diplômés et accroître la population étudiante à Trois-Rivières? Et vous avez 1 minute, Mme Tardif, dès maintenant. Dans un premier temps, je veux juste dire à M. Saint-Germain, qui n'était pas là au cours des 4 dernières années, pour dire qu'on n'a pas rencontré les jeunes. Puis Catherine Dufresne et moi, on s'est battus pour les jeunes au niveau du CA de la STTA. Fait que vous n'étiez pas là. Alors moi, je suis très touchée par l'exode des jeunes. Les stagiaires qu'on a chez nous nous quittent, s'en vont à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui a fait un stage chez nous qui m'écrivait, il dit « Je veux avoir un emploi à Trois-Rivières, je veux revenir. » Alors, il y a 2 façons de retenir les jeunes à Trois-Rivières. De leur trouver l'amour, un conjoint ou une conjointe, ou de leur trouver un emploi. Alors, comme je ne partirai pas une agence de rencontre, je vais travailler sur la question de l'emploi. Mon objectif, la cible que je me donne, c'est 3100 emplois. Puis ceux qui disent que je ne tienne pas mes promesses, venez dans mon district, vous allez voir qu'on les a tenues, les promesses. Ça, c'est ma cible. Ce n'est pas moi qui va créer les emplois. Je vais mettre ensemble des gens, des Merci, filières. Merci, Mme Tardif. Désolé. On était presque là. Mme Girard, c'est à vous. Vous avez la même question à répondre, et ce, en 1 minute. Oui, alors j'ai parlé de la population qui vieillissait, mais il y a un avantage pour les jeunes, une population qui vieillit, c'est qu'ils vont prendre leur retraite à un moment donné. Alors, ceux qui étudient dans le domaine des sciences de la santé, c'est clair que l'Agence de la santé à Trois-Rivières est le plus gros employeur. Alors, il y aura de l'emploi pour vous autres, je n'ai pas trop d'inquiétude. Par ailleurs, au niveau des autres domaines, moi, j'aimerais que la Ville fasse quelque chose de particulier, c'est-à-dire envisager une formule coopérative où, pour notamment sciences de gestion et génie, où les étudiants pourraient venir faire des stages supervisés et par la suite profiterait d'un programme de discrimination positive à l'embauche. On l'a fait dans le passé pour les femmes, pour les personnes handicapées, pour les Autochtones. Alors, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour permettre aux jeunes de venir travailler au niveau municipal? Je souhaite également, et je ferai en sorte que la Ville de Trois-Rivières continue d'offrir un milieu de vie favorable à l'épanouissement des jeunes familles. J'ai déjà annoncé un gel de taxes foncières pour les deux premières années Merci, de mon Madame mandat. Girard. Monsieur Saint-Germain, vous avez également une minute. Bon, nous, chez Force 3-1, ce qu'on pense, c'est que la Ville de Trois-Rivières, comme toutes les autres villes d'ailleurs, doit faire un virage technologique. On est en compétition contre beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui veulent faire ce fameux virage technologique. Notre plateforme électorale soutient des projets, entre autres l'établissement de centres de données ici dans la région de Trois-Rivières, parce qu'on a un avantage concurrentiel à le faire. On a de l'électricité fiable et abondante. Nous avons également promu au départ le projet du monorail qui, on pense, peut amener un transfert technologique et amener beaucoup pour la Ville de Trois-Rivières. Essentiellement, on sait que si les services municipaux sont adéquats, s'ils sont intéressants, les gens vont vouloir adopter la Ville de Trois-Rivières. Et si on arrête de les bombarder et d'augmenter la dette année après année, on pense que leur fardeau pourra être pas trop élevé et qu'ils vont établir leur famille ici à Trois-Rivières. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Fortin, à vous le tour. Oh, je vais vous laisser prendre le micro. Maintenant, vous avez une minute. Allez-y. Oui, merci. Donc, pour diminuer l'exode des jeunes dans la population, je suis aussi membre de la Chambre de commerce de Québec, en plus de mes autres. Et puis là-bas, nous autres, ils travaillent en concertation avec l'Institut national d'optique, l'INO. Donc, vous pouvez aller voir sur le site de ino.ca. S'il y en a qui veulent aller voir, là, vous allez voir tout ce qu'ils font là-bas. Le but de ça, est simplement, c'est de faire un centre comme INO, mais dans un autre style. Il faut trouver un projet pour ça. Donc, ce que je devais faire, c'est de faire 10 bourses de 2000 $ pour innovation technologique qui sera en deux volets. Donc, le premier volet, ça va être la création de la mise en œuvre et après ça, la réalisation du projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai rencontré un physicien de l'Université Laval la semaine passée, là, deux semaines plus tôt, et lui est en concertation aussi avec l'INO. J'ai demandé s'il y a possibilité de travailler dans un sens-là pour monter comme un centre. Il a dit qu'il allait s'offrir son aide bénévole pour ça ici, si on veut l'avoir. Fait qu'on va travailler en concertation avec eux autres, puis qu'aussi, en même temps, c'est que les départements Merci ici... Merci beaucoup. Merci. Parfait. Madame Dufresne, c'est à vous la parole, et ce, dès maintenant. Alors, de l'emploi, la solution pour vous garder, c'est effectivement, c'est de l'emploi. Ce que je parlais dans le Nouvelliste ce matin, c'est la mise sur pied d'une pépinière de PME. C'est le principe de la pépinière des arbres. Plante un arbre, deux arbres, trois arbres, ça grossit la forêt, la multiplication des arbres. On va faire la même chose pour la multiplication des emplois. Une PME, deux PME, et ça va grossir. Pour y arriver, moi, ce que je propose, c'est pour les finissants, un 600 000 $ que vous puissiez partir des projets d'affaires qui sont destinés pour vous. Fait qu'en partant, vous allez savoir au début de vos études qu'il y a un potentiel que vous pourrez mijoter tout le long de vos études pour partir en affaires avec un projet. Évidemment, ça sera un projet qui est innovant et promoteur. Vous devez vous engager à rester à Trois-Rivières. Et il faut que ça touche des créneaux qui sont porteurs, les énergies renouvelables, nouvelles technologies, l'ingénierie, les arts et les sciences sociales. Il faut vraiment qu'on développe la culture entrepreneuriale et ça passe par vous, je le répète, vous allez Merci. Créer vos emplois. Parfait. Madame Tardif, maintenant c'est la minute de réplique. Pardonnez-moi, Madame Dufresne. Donc la minute de réplique, vous pouvez dire pour vous tout ce que vous voulez, pourvu que ça soit politically correct. Parfait. Je peux continuer aussi. Où est-ce que vous m'avez coupé? Je vais continuer. Ah, ça je ne sais pas. Parfait, vous avez une minute là. Alors, dans ce que j'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, effectivement, la cible, c'est 3100 emplois. Faire travailler les gens, faire des filières métallurgiques, filières culture, filières agroalimentaires, mettre du monde ensemble qui parle le même langage pour dire qu'est-ce que la ville peut faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour la ville. Je vois Frédéric Lorrain qui est là et qui est de la chaire des PME. C'est un joyau, ça. C'est un joyau qui est de l'UQTR qu'on se sert pas. On doit faire travailler toutes les institutions ensemble, Emploi Québec avec la ville, les fonds qui sont pas utilisés, le fonds d'Emploi Québec, le fonds de la FTQ, c'est de l'argent qui est pas utilisé, s'en servir pour permettre de créer de l'emploi, pour permettre d'avoir cet emploi-là qui fera en sorte qu'on n'aura pas l'exode des cerveaux des gens qui étudient ici à l'UQTR et qui s'en vont à l'extérieur. Alors moi, je vais tout faire pour créer ces emplois-là avec d'autres, mettre ensemble les gens pour développer. C'est mon slogan, regrouper pour rassembler pour développer, parce que... Merci, Mme Tardif. Des fois, une minute, c'est court. Alors, moi, je suis d'accord. Madame Girard, vous avez la parole à partir de maintenant. Je suis d'accord avec Sylvie Tardif là-dessus. Je trouve que l'idée de créer des emplois, de les développer, de travailler avec l'université. D'ailleurs, il y a déjà une entente avec l'université, entre l'université et la ville. Il faut la faire vivre, cette entente-là. Il faut la développer. Et il faut surtout que notre Corporation Innovation et Développement économique assure un véritable leadership, ce qui, à mon avis, pour le moment, ne se fait pas. Alors, donc, on va travailler. En fait, on est tous en train de dire qu'on veut créer de l'emploi. On comprendra quand même qu'on n'a pas, la ville n'a pas le pouvoir des gouvernements supérieurs pour ce faire. Nous avons le pouvoir de faciliter les choses. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Non, je la garde pour la prochaine. Là, je suis rendue à 15, là. Au moins. Parfait. Monsieur Saint-Germain, vous êtes prêt? Oui. Vous avez une minute à partir de maintenant. Merci, Marcel. On est tous d'accord avec ce qui se dit ici en avant. On peut tous étaler des promesses. On pourrait tout descendre ça sur une feuille, être très rapide. Il y a des gens ici à la table qui devraient solliciter un poste de premier ministre et non pas un poste de maire. Il y a des choses qui sont très, très, très à terre qu'il faut faire comme maire. Et ça touche les services qu'on peut rendre. L'UQTR est un partenaire naturel de la ville depuis de nombreuses années. Alors, on va-tu commencer à surenchérir si la chaire-là est importante? Là? Non, écoutez, on sait que tout ça, c'est important. Ce que ça prend, c'est une écoute active. Ça prend un maire qui est à l'écoute de vos besoins, une équipe qui va faire en sorte que l'étudiant est valorisé à Trois-Rivières. Si l'étudiant est valorisé à Trois-Rivières, ils vont venir étudier à Trois-Rivières, puis ils allaient rester à Trois-Rivières. Alors, je pense que d'établir une liste de promesses, là, je pense que c'est inutile. On est tous d'accord avec ça. Merci, M. Saint-Germain. M. Fortin, c'est à vous la parole pendant... je vous conseillerais peut-être de prendre le micro. Ah, merci. Pareil, c'est plus FM. Parfait. On y va. Vous avez une minute. Oui, Mme Tardy, vous parlez de 3100 emplois. J'ai travaillé dans un sous-ministère du ministère du Travail du Québec pendant 7 ans. Nous autres, on avait beaucoup de stages en milieu de travail et autres. Ça n'a pas créé des emplois à temps permanent. Ça crée juste des emplois temporaires et des tampons temporaires. Qui vont créer en sorte que ceux qui sont sur le bien-être social ou autre ne pourront jamais s'en sortir. Alors, pour créer des emplois dans ce secteur, il faudrait peut-être emmener des usines puis emmener des nouvelles technologies. Ça n'a aucun sens, ce sens-là. Parce qu'Emploi Québec, de toute façon, il y a bien des années qu'on veut créer plus que 3000 emplois. Ça fait que c'est une grosse ballonne électorale. L'autre volet, vous dites, monsieur Saint-Germain, que vous êtes à l'écoute des gens. Alors que vos conseillers n'ont même pas le droit de parler de thérotite lors de l'élection, que vous avez juste vous-même pu en parler. Donc, quand vous taisez vos conseillers, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous taisez la population? C'est quoi votre but, là? Il ne peut pas répliquer, monsieur. Il peut pas. Il reste avec les directives. En fait, merci, vous avez écoulé votre temps. Oui, vous avez écoulé votre temps, merci. Donc, Mme Dufresne, donnez-moi juste un petit instant, et maintenant, c'est à vous. Bien, ce coup-là, je vais parler avec mon cœur. Ce que je veux vous dire, moi, c'est que vous avez une importance dans l'appareil municipal. Puis moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est intéressez-vous à la campagne municipale. Prenez le temps de nous connaître, pas juste en tribune, mais après, on va être là. Moi, je vais être disponible pour vous. C'est important. Qu'est-ce que la ville offre comme service? Vous pouvez contribuer, vous pouvez bonifier les services. Et trop souvent, on le dit, le taux de vote, il est bas, on participe moins, mais informez-vous. Je suis tellement convaincue que vous allez pouvoir nous inspirer pour le futur. La politique municipale, c'est le fun, c'est les services qui sont proches des citoyens. Deuxième message, l'économie. Il faut travailler ensemble si on veut développer des emplois. Il y a plusieurs années, on était l'industrie de la pâte et papier, et là, ça l'a tombé. Et maintenant, il faut développer des créneaux qui sont porteurs. Il faut travailler tout le monde ensemble. Le développement économique, c'est l'affaire de tous, incluant les étudiants. Parfait. Merci. Vous êtes pile sur la minute, Mme Dufresne. OK. L'ensemble des candidats, j'ai une question pour vous. Rapidement, qui va se répondre en 5 secondes. Est-ce que vous voudriez qu'on change l'ordre? On commence toujours par Mme Tardif, on commencerait par Mme Dufresne. Et ensuite, pour la prochaine question, est-ce que ça vous va ou vous voudriez conserver la même manière? Non? Un petit changement de dernière minute. Mme Dufresne, ça vous va? Parce que ça va être à vous le micro en premier. Ça vous va? Ah ben oui. Parfait. Excellent. Et la question est la suivante, c'est le même principe. Vous avez une minute pour présenter ce que vous voulez faire et ensuite les candidats, vous aurez une minute pour répliquer à ce que les candidats vous ont dit. Pardon. La question est la suivante. Est-ce que vous envisagez une amélioration du système de transport en commun et comment? Donc, vous avez une minute. Quelle question! Effectivement, on le sait qu'on a un taux de participation au transport en commun très bas. L'objectif, c'est de l'augmenter. La question de comment. Évidemment, ce qu'on entend sur le terrain, ce que les gens nous disent, c'est que c'est tellement long qu'on part de Pointe-du-Lac pour se rendre à Trois-Rivières, ça nous prend une heure. Fait qu'évidemment, ça décourage les gens. Je pense pas que l'objectif, c'est de rendre ça gratuit pour l'instant. Je pense qu'il faut améliorer les lignes, avoir des lignes plus directes. Fait qu'il va falloir qu'on se concerte ensemble puis qu'on regarde c'est quoi la meilleure solution. Et ce que je vous ai dit tantôt, c'est qu'il faut vous inclure dans la solution. Moi, je veux m'assurer que vous ayez un siège sur le conseil d'administration de la STTR pour pouvoir participer aux décisions. Et nous, à la Ville, on a aussi un comité circulation. Alors, il faut aussi que quelqu'un, un étudiant, un jeune, s'implique dans le processus décisionnel de la vie parce que vous allez avoir une voix, vous allez pouvoir vous exprimer, donner votre opinion. Parfait, merci. Donc, M. Fortin, c'est maintenant à vous, dès maintenant. Ah, même principe, il faut rapprocher le micro. Excellent. Donc, allez-y, M. Fortin, c'est à vous. Oui, ce que nous voyons sur le conseil de ville depuis 2001, il n'y a rien fait pour améliorer le système de transport en commun. Fait que là, on a un très, très gros problème. C'est qu'on a fusionné des villes et des villages, puis on a laissé le système de transport en commun comme il est là, mais on l'a amélioré juste un peu. Donc, moi, ce que je propose simplement, c'est de faire une table de concertation avec un comité qui s'est créé et divisé en un groupe de jeunes et un groupe d'aînés, avec 20 personnes au niveau universitaire, cégep et citoyens, pour améliorer les services. Donc, de transport en commun, puis en concertation ensemble, de regarder les équipements, puis les services sportifs et les pistes cyclables, puis travailler ensemble pour améliorer ce service-là, qui est déficient à 100%. Vous m'avez eu de vitesse, M. Fortin. Merci beaucoup. La parole est à M. Saint-Germain. La même question, une minute. Merci. Nous, ce qu'on fait actuellement, on fait de l'étalonnage. On fait du benchmarking et on compare la STTR avec deux autres services de transport en commun, deux villes qui nous ressemblent beaucoup, Sherbrooke et Saguenay. À titre de statistique, je dois vous dire que 2 300 000 usagers en 2011 à Trois-Rivières pour le service de transport en commun par rapport à 4,5 millions à Saguenay, deux fois plus. Et tenez-vous bien, 9 200 000, tout près de 200 000 pour Sherbrooke. Alors, c'est quatre fois plus d'usagers à Sherbrooke qu'à Trois-Rivières pour une ville bien similaire. Un peu plus nombreux, mais bien similaire. Alors, c'est certain qu'on a un problème de circuit, on a un problème d'adaptation de notre système de transport en commun. Il faut croire qu'on va devoir travailler là-dessus. Et évidemment, Force Noire va donner un siège au conseil d'administration aux étudiants. Parfait, merci. Faire des promesses. Madame Girard, même principe, vous avez une minute. Merci. Je ne suis pas en réplique. OK. Écoutez, la ville de Trois-Rivières, c'est vrai que les transports en commun sont peu utilisés. La ville de Trois-Rivières est une ville très étendue. J'ai eu les mêmes commentaires, pas juste des jeunes, mais également d'adultes et de jeunes qui vivent dans des districts. On nous reproche des passages peu fréquents, on nous reproche des trous dans le transport l'avant-midi et l'après-midi. Il y a vraiment de l'amélioration à apporter au niveau des transports en commun. Mais en même temps, tout ne se fera pas d'une seule traite. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir qui... Il faudrait sonder la population. On pourrait investir actuellement, le transport en commun coûte 15 millions à Trois-Rivières, dont 5 millions vient de la ville, du budget de la ville. Alors, même si on investit... Merci beaucoup, Mme Girard. Je reprendrai ça. 5 secondes de tantôt. C'est la première fois que je participe à un panel ou un débat que M. Lévesque est aussi tranquille. Il ne me réplique pas. Parfait. Allez-y. Oui, c'est la première fois. Alors, vous dire pourquoi qu'on a tous comme position de mettre quelqu'un des étudiants, soit de l'UQTA, Cégep ou Collège La Flèche, au CA, du STTA, c'est que présentement, c'est un ami du maire qui siège au CA du STTA, M. Carole Côté, et il ne prend jamais l'autobus. Alors, nous, on a demandé de nombreuses fois de rencontrer les gens. Améliorer les circuits, effectivement, les secteurs périphériques, tenir compte des horaires des étudiants. Un comité de travail avec la STTA, les étudiants de l'UQTA, mais aussi des autres institutions scolaires. Des stationnements incitatifs à l'est ou à l'ouest. Je l'ai dit, oui. Ah, vous avez encore 12 secondes. OK. S'inspirer de la ville de Sherbrooke. La ville de Sherbrooke a fait une entente très, très forte avec leur université pour offrir des coûts très bas aux étudiants. C'est pour ça qu'ils ont maintenant, merci, Mme Tardif. Mais vous pouvez continuer dans le tour de réplique qui va être dans 5 tours. Comme tout à l'heure. En plein ça. Parfait. Mme Dufresne, je vous conseillerais de... Tu travailles orientation. Parfait. Vous êtes prête? Oui, c'est une minute de réplique, donc pour l'ensemble des candidats, vous pourrez dire, pourvu que ce soit politiquement correct, comme on avait dit. Vous avez une minute à partir de maintenant. Mais en fait, je vais en profiter pour vous parler de ce que j'ai osé proposer au niveau du monorail. C'est un train électrique qui est suspendu, qui peut nous relier tous entre les grandes villes. On pourrait se rendre à Montréal en 45 minutes pour aller étudier à Montréal puis revenir le soir sans se taper le trafic. Et j'étais très contente de voir que hier, Pauline Marois l'a annoncé dans sa politique de développement économique. Et elle dit qu'elle va étudier le projet de monorail. Et moi, je pense que c'est vraiment un projet qui est porteur pour l'avenir. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les trifluviens, c'est qu'on soit la première ville et qu'on fasse partie de ce projet-là parce qu'éventuellement, ça pourrait apporter de l'emploi chez Marmène. Et si le projet se déploie partout au Québec, on pourrait aller jusqu'à 90 000 emplois. Et moi, je veux qu'on devienne les champions en électrification des transports. Vous avez encore 15 secondes? OK. C'est votre choix. Parfait. Monsieur Fortin, prenez le micro. Et vous avez également une minute. Allez-y. Je reviens tout à l'heure, Madame Gérard. Vous avez dit que vous n'avez fait aucune promesse non réalisable ou réalisable. Vous avez dit que on a entendu parler que vous allez geler les taxes pendant 2 ans. Sur quel point vous allez vous baser pour ça? C'est quoi le lien avec le transport en commun? Non, bien là, on peut une réplique sur, on est sur tout. Ben, effectivement, ça avait l'air d'avoir la question. Bon, mais go. Donc, la réplique, ça va être simplement, c'est que les autobus qu'on a présentement, c'est des gros autobus énergivores. Et ce qu'il faudrait faire, c'est d'utiliser comme Drummondville des petits autobus beaucoup plus petits, moins énergivores, qui vont coûter moins cher à la ville en consommation et en réparation. Et à ce moment-là, on va peut-être offrir un service meilleur avec si on a plus d'argent de développer pour ça. Merci. Merci, M. Fortin. Hop. M. Saint-Germain, c'est à vous. Vous avez une minute. Merci. Je reviendrai pas sur le projet du monorail, mais si vous lisez mon allocution du 7 septembre dernier, vous allez vous rendre compte que le monorail, c'est un projet qu'on a proposé dès ce moment-là. C'est un projet sur lequel on travaille depuis longtemps et sur lequel on réfléchit. L'important pour vous aujourd'hui, c'est de savoir qui est le meilleur messager pour vous écouter puis pour livrer la marchandise durant les 4 prochaines années. Tous les gens, tous les projets, tout ce qu'on dit ici, on est tous d'accord avec ça et on va tous travailler là-dessus. Mais essentiellement, vous devez vous demander qui est le mieux placé pour réduire vos taxes, pour augmenter votre qualité de vie, pour faire en sorte que les citoyens soient au centre de la bienfaisance à Trois-Rivières. Le transport en commun fait partie de ces choses-là et, évidemment, on n'y passera pas à côté. Il y a un de nos candidats qui n'a pas de voiture et qui, lui, ne voyage qu'en autobus. Je répète, il ne voyage qu'en autobus. Alors, pour ce qui est des problèmes merci de sécurité... Beaucoup, M. merci. Parfait. Madame Girard, alors, vous avez... Oui. Vous êtes prête? Ça va? Oui. Allez-y. Alors, je trouve ça super intéressant d'entendre parler du monorail, puis effectivement, il faudra s'y intéresser. Sauf que c'est du transport interurbain. Hein? On ne va pas voyager en monorail entre Pointe-du-Lac et Sainte-Marthe-du-Cap. Alors, au niveau du transport en commun, on a déjà parlé de stationnement incitatif. Je suis d'accord pour qu'il y ait davantage de stationnement incitatif. D'ajouter des navettes. On l'a fait, écoutez, on l'a fait à Montréal, avoir des minibus pour rejoindre des quartiers où il y avait moins de population, où les gens utilisaient moins le transport en commun. Également, il y a d'autres types de services comme des taxis collectifs qui peuvent être utilisés et ça fonctionne très bien. Alors, je pense qu'il faut respecter notre capacité de payer. On peut bien rêver d'un service de transport en commun extraordinaire, mais effectivement, il faudra s'inspirer aussi des villes qui sont davantage performantes que la nôtre actuellement dans ce domaine-là. Excellent. Merci beaucoup. Vous avez réaccumulé 5 secondes. Mm. Yes. Madame Tardif, vous êtes prête? Vous avez une minute. Oui, merci. Je reviens sur l'idée de la ville de Sherbrooke. Et effectivement, nous, ici, à Trois-Rivières, on a 2,4 % de gens dans toute la ville qui utilisent le transport en commun. C'est le plus bas taux de l'ensemble des grandes villes. Sherbrooke, on réussit, avec l'université, à avoir des coûts très bas, puis même la gratuité, avec une entente avec l'université. Il y a déjà cette entente-là avec l'UQTR, mais il s'agit de pousser encore plus loin. Peut-être une dernière chose sur le monorail. Moi, je trouve ça pas pire, ça, de donner des centaines de milliers de dollars pour un banc d'essai qui va se faire sur la Rive-Sud, pour donner de l'argumentation pour un banc d'essai qui va se faire sur la Rive-Sud, qui n'a rien à voir sur la Rive-Nord. Ça sera les étudiants à Montréal. Excellent. Maintenant, on passe aux questions qui sont non préparées, donc qui vont provenir de vous, les étudiants, et aussi les personnes qui se sont joints à nous aujourd'hui à notre tribune libre à la Chasse-Galerie. Est-ce que, pour ceux qui veulent venir poser des questions, vous avez juste à venir vous présenter ici à l'avant, où je vais me déplacer avec mon micro et mon fil pour pouvoir poser des questions. Donc, d'adresser si la question s'adresse à l'ensemble des candidats ou seulement qu'à un candidat en particulier. Merci. Bonjour, moi je suis étudiante ici au doctorat en sciences de l'environnement, je m'appelle Raphaël Landry. Puis j'avais une question concernant les transports en commun. Je voulais savoir si vous avez pris contact avec Roulon Vert, puisqu'il a fait beaucoup d'études sur les transports en commun à Trois-Rivières. Puis ils ont fait beaucoup d'études sur toutes les l'université, le Collège La Flèche, Cégep. Donc, c'est ça. C'est l'ensemble des candidats qui est appelé à répondre. Parfait. Je vous donne donc une minute chaque. Okay, vous semblez vouloir commencer, M. Fortin. Commencez dès maintenant. Et ensuite, on fera une formule rotative pour que l'ensemble des candidats puissent y répondre. Okay. M. Fortin, vous pouvez y aller dès maintenant. OK. Il y a eu un projet vert à Québec. Ils ont un petit autobus, là. Bien, elle reste en panne, elle même passe au feu, là, tu sais. Fait que c'est une technologie qu'il faudrait reviser. Puis là, la Ville de Québec, il faudrait les contacter, mais ils ont investi des milliers de dollars. Il faut regarder le pour et le contre. Est-ce qu'on doit... sauver l'environnement, puis que ça nous coûte beaucoup plus cher, parce que les batteries, tout ça, là, quand ils sont scrap, là, l'environnement, tout ça, là, on va prendre une méchante débarque. Là, ça fonctionne pas à 100% ce système-là, mais il y a des systèmes meilleurs. Il faudrait recontacter la Ville de Québec, voir qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'ils ont vraiment une bonne expertise là-dedans. Non, mais c'est pas ça, c'est Roulon Vert, c'est une entreprise qui au centre-ville qui s'occupe du transport en commun. C'est ça, c'est le transport. C'est une plateforme de covoiturage, Roulon Vert. Bien, dans une seule ligne, là, c'est ça. On pourrait parler plus longtemps. Madame Tardif, vous voulez avoir la parole. Je vous laisse une minute également. Moi, je connais très bien Roulon Vert parce que c'est un des organismes que nous avons créé. Alors, je le connais très bien. C'est la quatrième ou la cinquième génération depuis Concept. Roulon Vert a été créé, entre autres, avec André Lavoie, qui est un copain de moi. Je les ai rencontrés. Entre autres, les statistiques que je vous donne depuis tantôt, là, ben, c'est lui qui me les a données. On a fait une session de travail pour être formés là-dessus. Et effectivement, il y a toute la question, on a beaucoup parlé de transport en commun, mais il y a toute la question de covoiturage. L'idée des stationnements incitatifs, ça vient de leur réflexion à eux aussi de mettre des stationnements incitatifs à l'est et à l'ouest et de s'inspirer de ce qui se fait au Festivois. Et dans les festivals, là, ça fonctionne parce que les trajets, c'est plus intéressant. Alors oui, un organisme comme Roulons Vert va être un partenaire, il est déjà un partenaire de la ville, mais va être un partenaire encore plus actif parce que je les connais très bien. Merci. Madame Dufresne, vous voulez répondre, vous avez une minute également. Bien, en fait, c'est un organisme qui est extrêmement important. Ils ont des idées importantes. Puis l'impasse que je vois actuellement, c'est que le message ne se rend pas. Souvent, il y a des tables de concertation. Les idées sont extraordinaires, mais il n'y a pas de décideurs qui sont assis à ces places-là. Et tant qu'il n'y aura pas de décideurs qui vont vous écouter, ça ne pourra pas bouger. Fait que moi, ce que je vous propose, c'est de rajouter des décideurs puis que le Roulons Vert vienne au conseil de ville, vienne nous présenter des projets. Parce que là, on travaille en silo puis l'information ne passe pas. Madame Girard, vous voulez vous exprimer? 30 secondes. Écoutez, allez-y. On parle de transport en commun, mais on doit parler également de transport collectif. Et du transport. Et transport collectif, ça inclut évidemment le transport en commun, le transport avec autobus, mais on parle de covoiturage. Il y a différentes façons de faire du transport collectif qui va permettre à la fois d'éviter d'avoir trop d'automobiles. On a des problèmes de stationnement à Trois-Rivières, mais aussi de diminuer les gaz à effet de serre. Alors, il faut, c'est une contribution aussi, là. Oups, parfait, merci. Monsieur Saint-Germain, est-ce que vous voudriez vous exprimer sur la question? Bien, à quelque part, c'est encore la même chose qui revient. Il y a des organismes qui existent, on ne les écoute pas. Posez-vous donc la question, qui est le plus apte à écouter ces organismes-là? Nous avons deux étudiants actuellement qui sont candidats dans des districts. Alors, on a une personne qui est un usager quotidien. On est préoccupé par ça. Il y a tout un pan de notre programme électoral qui couvre la bienfaisance envers les citoyens. Alors, nous, la promesse qu'on fait, c'est qu'on va écouter puis qu'on va travailler avec ces organismes-là, évidemment. Correct. C'est parfait. OK. Prochaine personne, étudiant ou étudiante, qui exprimerait désirer une question. Si tu peux juste venir ici, ça va faciliter beaucoup. Alors, même principe, tu te nommes et ensuite tu adresses la question à l'ensemble des candidats ou à un seul candidat. Allez-y. Mon nom, c'est Rachid Aedi, bac en génie électrique. Donc, ma question pour aujourd'hui, pour toutes les équipes, est-ce qu'il y a des candidats jeunes moins de 30 ans? Car j'ai remarqué que moyen d'âge, 40 ans et plus. La première question. La deuxième question, j'aimerais savoir, est-ce que la ville elle a des projets pour que tous les citoyens de Trois-Rivières ils ont l'accès pour le sport gratuitement, pour la piscine. Comme la ville de Montréal, les citoyens ils ont l'accès de 2 heures par journée pour le sport. La troisième question, j'aimerais entendre tous les candidats, c'est la question qui tue. Si le projet de la charte de laïcité, la charte de la québécoise passe, est-ce que la ville de Trois-Rivières, elle le prend ou non? Merci. Pardon, excusez-moi. Si vous me permettez, je vais diviser les questions en deux questions. Il va y avoir la question sur la charte à la toute fin, parce qu'elle a été posée en troisième. Et les deux premières questions, je crois, la moyenne d'âge de vos candidats dans votre équipe, à moins que vous soyez indépendant, vous pourriez répondre avec la deuxième question qui est le sport, l'inclusion des sports. Est-ce que ça vous va? Oui, parfait. On va commencer avec Mme Tardif, si ça ne vous dérange pas. Laquelle qu'on commence, là? La question sur la moyenne d'âge de votre équipe. On est tous, on a des candidats qu'on s'échange des informations, mais on est tous des candidats indépendants. Sur les loisirs et sports, c'est ça maintenant? Sur la deuxième dans les questions, okay. Oui. Effectivement, moi j'ai beaucoup travaillé dans le passé sur des projets d'accès aux loisirs et sports. Mathieu qui est là est même un de nos porteurs de ces projets-là dans l'organisme pour lequel je travaille. On a des partenariats avec l'UQTR, on a des partenariats. L'idée, c'est de faire des projets d'accès loisirs, mais universels. Accès loisirs et sports. Exemple, j'ai donné l'île Saint-Quentin. L'exemple de l'île Saint-Quentin que j'ai dit que ça serait gratuit pour toutes les personnes qui s'y présentent, sauf pour le stationnement. Et ça permet d'avoir accès aux loisirs et sports et à d'autres projets qu'on a développés, mais qu'on pourrait rendre universel pour permettre justement aux gens de faire plus d'accès loisirs et sports. Parfait, merci. Madame Girard, voulez-vous y aller en deuxième tour de, oui. tour de parole? Oui, vous êtes prête, vous avez une minute également. Rapidement, écoutez, au niveau de la moyenne d'âge, je constate qu'il y a quand même un bon nombre de candidats dans les districts qui sont très jeunes. Et j'avoue que je trouve ça assez rassurant de pouvoir dire que probablement, au conseil de ville, le 4 novembre, il y aura des gens de tous les âges qui pourront travailler ensemble. Et je le souhaite, en tout cas. Au niveau de l'accès, l'accès loisirs et sports, moi, je suis assez étonnée de cette question-là parce que il y a Trois-Rivières a à peu près probablement les plus beaux parcs, les plus beaux équipements ou là, même en quantité d'équipements de loisirs et de sports. Là, je pense que vous parlez de gratuité. Ah, vous voulez avoir un accès gratuit à ma question, moi, j'aimerais faire la natation pendant l'hiver. Qu'est-ce que je fais? De la natation pendant l'hiver? Oui. Bien, vous avez ici... Oui, c'est ça. Il faut payer 7 $ pour rentrer. Pour la ville de Montréal, ils ont les citoyens de Montréal, ils ont l'accès 2 heures par journée pour tous les citoyens résidents de Montréal. Ils ont le droit d'accès. Pourquoi Trois-Rivières, elle ne fait pas ça? Écoutez, il faudrait voir. Cet équipement-là est un équipement universitaire. Je sais que l'université offre des heures d'utilisation à la population. En général, que ce soit payant, est-ce qu'il faut que ce soit absolument gratuit? On ne peut pas tout avoir gratuitement dans la vie, là. Parfait. Merci, Mme Girard. Moi, Monsieur Saint-Germain. Peux-tu répéter les deux volets de la question? La moyenne d'âge de votre équipe. Okay. Première question, qui est une question quand même assez brève. Okay. Et la deuxième question, c'est l'accessibilité sous-tendu la gratuité. Merci. Pour l'accès au sport, loisirs et autres. Donc, vous avez une minute. Merci. Mm-hmm. Évidemment, Force Loire est une équipe. Et si vous voulez, je vais vous présenter Vincent, 23 ans, qui est étudiant. Kim, 26 ans ou 27 ans, qui est étudiante en maîtrise en communication. Nous avons Isabelle, 30 ans, qui est surtout impliquée au niveau du tourisme. Et je peux vous présenter Yves Lapierre, qui est un usager quotidien du transport en commun. Il le prend tous les jours. Donc, on a une équipe diversifiée, puis on est préoccupé par le message que vous donnez aujourd'hui, parce qu'on en a sur l'équipe. Concernant les loisirs et les sports, nous avons développé un projet qui n'est pas encore annoncé, mais qui va être annoncé prochainement. C'est que nous, on pense que faire du sport, ça prend aussi de la motivation pour le faire. Et ici, à Trois-Rivières, il y a un programme d'éducation qui s'appelle la kinésiologie. Et nous, on se propose d'engager des kinésiologues pour favoriser l'émergence de la pratique du sport. Et on va nécessairement entretenir des partenariats avec l'UQTR ou le Cégep pour les accès à la piscine. Merci beaucoup. Monsieur Fortin, même principe. Pardonnez-moi pour le son. Vous avez une minute pour répondre à la question. Allez-y dès maintenant. Moi, je suis dans un milieu politique depuis 30 ans. C'est sûr et certain que j'ai pris un comité exécutif ici au provincial. Il y était 3 personnes. La moyenne d'âge était 75 ans. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai monté à 21 personnes. Puis il y a des gens de 24, de 25. Il y a des avocats aussi là-dedans à 24 ans. Et c'est ça, ma politique, c'est de diminuer le plus possible les âges parce que pour avoir ce que les gens pensent, les plus jeunes et les plus vieux aussi en même temps. Et ce que je peux dire, c'est vu qu'on est des candidats indépendants, j'ai rencontré plusieurs personnes qui se présentent dans des quartiers. Et il y en a qui ont 21 ans, 22 ans. Il faut faire un renouvellement du point de vue du conseil. Là. Il n'y a pas de problème pour là-dessus. Et pour ce qui est du transport, des équipements, des services sportifs, ben là, ce que je disais tantôt, c'est de former un comité de jeunes et un comité d'aînés. D'une vingtaine de personnes pour regarder tous les services en rapport à ça. Donc, vous, si vous voulez participer au comité, vous pouvez participer au comité. Puis, à ce moment-là, vous allez nous faire valoir vos besoins et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans le budget pour améliorer ce service-là. S'il peut être gratis pour 2 heures, on va dire oui. Merci. Sinon, merci, M. Fortin. C'est beau? Oui, désolé. La minute a conclu. Madame Dufresne, même principe. Première question que vous pouvez répondre et deuxième question ensuite. 1 minute pour tout ça. Allez-y. Ben pour l'âge, j'ai 36 ans. Je suis la plus jeune des candidates à la mairie. Je suis aussi la plus jeune au conseil municipal actuellement. Je suis rentrée à 30 ans. Moi, je pense que les jeunes, on a notre place. On est capable d'en faire la politique. Même si certains de mes adversaires se plaisent à dire que j'ai pas d'expérience, moi, je trouve qu'on a vraiment des bonnes idées, puis il faut foncer. Pour ce qui est des sports, contrairement aux autres municipalités, la plupart des municipalités organisent les sports, font leur propre offre de services. Nous, la majorité des sports sont en sous-traitance, si on peut dire, donc qu'on n'a pas vraiment d'impact souvent sur le privé. Mais une chose que je sais, c'est que la tendance est au sport libre. Les gens veulent plus des cours organisés, les gens veulent des activités libres. Et ça, je sais qu'actuellement, les fonctionnaires de la ville sont au courant et c'est ce qu'on est en train de déployer à la ville, des activités libres, puis de sensibiliser les sous-traitants en ce sens. Parfait. Je vous demanderai d'exprimer votre question par rapport à la charte, celle que vous voulez qu'il soit répondue. La charte, je pense que tout le monde il sait qu'il y a un projet de la charte de la charte des valeurs québécoises. Si la charte, ce projet-là, y passe, est-ce que la ville de Trois-Rivières, votre équipe, le prend en considération ou non? Car le gouvernement, il a laissé le choix pour les conseils d'administration et pour le conseil municipal. Donc, oui ou non? Parfait. Vous voulez y aller en premier, M. Fortin? Je vous invite à tourner le micro, vous avez une minute. Ensuite, pour les candidats, vous aurez juste à me désigner quand vous voudrez vous exprimer. Donc, une minute pour vous. M. Fortin, allez-y dès maintenant. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque personne est individuelle, OK? Que vous soyez, vous arrivez de n'importe quel pays ou autre, vous voulez venir travailler, on regarde à la ville vos compétences, on vous engage en rapport à vos compétences. Voyez-vous? Fait que c'est sûr et certain que la chatte n'a pas d'affaires là-dedans, là, à la ville. Je touche pas à ça, là. Question, moi, je pose maintenant. Si un étudiant il est arrivé n'importe où, l'Université de Trois-Rivières, elle a investi beaucoup d'argent pour recruter de l'international. Oui. Une personne qui est juif ou n'importe quelle religion, qui porte le voile ou porte n'importe quel signe religieux, si sur le conseil municipal il était élu, est-ce qu'on va l'obliger d'enlever ce signe-là? Est-ce que on va le laisser qu'il travaille, car je pense que la ville de Trois-Rivières, elle va perdre des compétences. Non, encore là, c'est, je vous le dis, là, si la personne arrive d'Israël ici, elle va appliquer sur un poste, puis elle a la compétence. Elle applique sur le poste, puis ils vont juger par rapport à sa compétence. Et chaque poste, me semble, il n'y a pas aucune place dans la ville qui va dire, bon, c'est quoi ta religion, c'est quoi, c'est ça, c'est aucune main, là. C'est ce qu'il faut regarder, c'est la compétence de la personne, puis si elle a les compétences nécessaires par rapport au poste, elle passe un test de sélection, puis il va avoir la job. Ça s'arrête là. Parfait, merci. Madame Tardif, vous avez demandé le deuxième tour. C'est à vous dès maintenant. Vous dites souvent votre parti, votre équipe. Moi, je veux juste spécifier là, que moi, je suis une candidate indépendante et je n'aurais pas voulu faire partie d'un parti justement parce que je veux garder cette liberté de parole-là. Puis des lignes de parti, moi, j'en veux pas. Alors, j'aime bien avoir ma liberté de parole. Ensuite, vous parlez qu'il y a des personnes immigrantes qui viennent à Trois-Rivières. J'ai beaucoup d'amis immigrants, des gens du Maghreb, des gens de l'Amérique latine. Pour ce qui est de la charte comme telle, moi, je ne me positionnerai pas sur une charte qui n'est pas déposée encore. La première ministre, ce matin, disait que les municipalités probablement n'auraient plus le droit de se retirer du projet de charte. Alors, on n'aura pas à se positionner. Par contre, quand on aura à prendre une position là-dessus, on s'assoira le conseil ensemble, puis à partir de ce qui, parce que là, on est dans l'hypothétique. Quand on aura vraiment une charte concrète, bien là, le conseil municipal prendra une décision. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Mme Tardif. Mme Dufranc, que j'ai vu juste un peu avant, tournez le micro vers vous. Vous avez une minute, et ensuite, ça sera à M. Saint-Germain. Donc, allez-y. Bien, au niveau de la charte, c'est un débat actuellement que je suis avec grand intérêt. Effectivement, on a beaucoup d'immigrants à Trois-Rivières, puis il faut attendre le dépôt. C'est certain, avant de prendre une décision, mais moi, je souhaite qu'on ait besoin des immigrants à Trois-Rivières, on les recrute. Il ne faut pas que ça termine en conflit. Il faut qu'on arrive à trouver une harmonie, c'est ce qui est le plus important. Parfait. À vous, M. Saint-Germain, c'est à vous dès maintenant. Merci. On peut vouloir dénigrer les formations politiques, mais ce que je peux vous dire, moi, c'est que sur notre équipe, on a un immigrant, M. Ivan Souza, qui est un Colombien, qui est très impliqué ici à Trois-Rivières. et qui, évidemment, nous donne des conseils judicieux quant à comment on va accueillir ces immigrants-là. Alors, on peut ne pas vouloir faire partie d'une équipe. Par contre, nous, on considère qu'on a une équipe gagnante, puis on est très, très, très, très heureux de proposer notre plateforme électorale avec une équipe. Merci. Parfait. Madame Girard, c'est à vous dès maintenant. Oui. Alors, écoutez, moi, je suis convaincue que l'immigration est extrêmement importante, pas seulement à Trois-Rivières, mais également au Québec. On a un taux de naissance, un taux de natalité qui est très bas. Et il y a de nombreuses entreprises qui n'arrivent pas, justement, à trouver de la main-d'œuvre de qualité. J'ai travaillé déjà au ministère de l'Immigration, justement, et mon mandat était d'aller chercher ou recruter des étudiants étrangers. Et d'ailleurs, suite à ça, le premier ministre avait annoncé qu'un diplôme du Québec était certificat d'acceptation du Québec. Alors, mais votre question est plus large que ça. C'est pas de dire... Je pense que la Ville de Trois-Rivières doit avoir des mesures pour permettre et travailler avec l'Université du Québec une intégration plus facile des gens qui viennent, soit des travailleurs qualifiés ou des étudiants étrangers. Maintenant, on comprend bien qu'on accueille, on vous accueille avec plaisir et avec bonheur. Merci beaucoup, mais Madame vous devez Gilles. Également aussi vous adapter à la société québécoise. Excellent. Merci. On passe à monsieur que je connais, Nabil Ramla. Donc, il sera déjà nommé et vous pouvez y aller avec votre question. Bonjour à tous. Mon nom est Nabil Ramla, comme M. Roy m'a bien présenté. Alors, j'avais deux petites questions bien rapides. La première, est-ce qu'on a des projets pour inviter la vie culturelle de Trois-Rivières pour que ce soit plus effervescent? Je pense notamment, par exemple, qu'on a fermé, par exemple, le Maquisard il y a quelques années. Puis malheureusement, ben, les artistes trifluviens qui aimeraient bien avoir la chance de se produire pour se faire connaître, tout ça, n'ont pas vraiment cette chance-là parce qu'ils doivent aller à la maison de... En fait, pardon... Il devait aller à la salle Thompson, ce genre d'endroit-là. Est-ce qu'on a pensé à des projets culturels afin de pouvoir donner la chance à ces jeunes artistes de Trois-Rivières de pouvoir se faire connaître un peu plus? C'est la première question. OK, la première question. Oh, Mme Girard m'a fait mention de son premier tour. Allez-y, dès maintenant, vous avez une minute. Donc, la vie culturelle et son effervescence. Écoutez, moi, je suis étonnée de cette question-là parce que je considère que Trois-Rivières a une vie culturelle vraiment dynamique. Oui, la fermeture du Maquisard, mais les jeunes ont une capacité, ont des plateformes pour se produire qui sont de plus en plus nombreuses. Si on va à la Maison de la Culture, à la salle Anaïs Alain Rousseau, au Théâtre du Cégep, enfin, on a... Moi, je suis très, très étonnée là, de cette question-là. Et je dirais que quand je fais... quand je pose un diagnostic sur Trois-Rivières, le dynamisme culturel fait partie des forces que je veux soutenir. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin pour aider nos artistes locaux à voir? Mais je pense que déjà, on est vraiment en bonne position. Tardif, vous pouvez y aller dès maintenant. Effectivement, la fermeture du Maquisard, c'était un jour triste à Trois-Rivières. Là. Mais je ne sais pas si vous connaissez le projet de l'église Sainte-Cécile, que c'était une église qui devait fermer. Moi, avec des collègues, on a racheté l'église, on a fait une corporation. Et cette église-là, est un lieu de culture et un lieu communautaire. Puis, nous autres, notre objectif en créant ça, c'était de remplacer le Maquisard puis de permettre à des artistes émergents, des artistes locaux, de s'y produire. Alors, l'idée de soutenir les artistes locaux, les artistes en émergence, ça fait partie de ce projet-là. Fait que je pense que la Ville doit soutenir des projets comme ça. Ça n'a pas toujours été évident. Une autre chose qui me préoccupe, moi, c'est de novembre à juin, il y a moins de choses qui se passent, moins d'événements, moins de festivals. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer, justement, pour que, quand les étudiants étrangers, les stagiaires étrangers viennent à Concept, ils retournent chez eux puis ils n'ont pas eu la chance de voir les festivals. Okay. Les festivals. Parfait, merci. Madame Dufresne, je vous invite à y aller, c'est à votre tour. Pardonnez-moi, dès maintenant. La vie culturelle, effectivement, mais c'est, on a fait des grands pas à Trois-Rivières. Moi, ce que j'entends beaucoup sur le terrain, c'est que c'est très, très centralisé au centre-ville. Et même dans les districts, on nous dit on a perdu, on ne se sent pas fusionné la plupart du temps. Et moi, je pense qu'il va falloir revitaliser certains quartiers. Et pour revitaliser, ça va passer aussi par la vie culturelle. Et moi, je pense qu'il pourrait y avoir des mini-spectacles, des artistes qui vont se promener dans les districts. Il faut ramener des activités dans les districts. Et je pense que ça va passer par le relais, par les jeunes artistes. C'est complet? Oui. Parfait, merci. Monsieur Fortin, Monsieur Saint-Germain, Monsieur Fortin, vous désirez y aller? C'est à vous dès maintenant. Donc, je reviens encore à ma table de concertation du comité jeunes et aînés. Dans le fin fond, c'est des choses qu'on va jaser ensemble. Si vous voulez participer à ce comité-là, vous allez pouvoir participer. Et dans le fin fond, ici, il y a beaucoup de règles et de règlements. Il faudrait tout regarder ça, là, qu'est-ce qu'il y en a. Les équipements, est-ce qu'on peut louer les équipements et autres. Fait qu'il faut tout regarder ça. Là, ce qui n'a jamais été fait dans le passé, on n'a jamais créé un comité. Donc, on doit écouter les citoyens. Les citoyens, on n'a jamais été écoutés depuis ce conseil-là, depuis 2001. Il faut virer ça à l'envers. La ville, elle appartient aux citoyens et non au conseil de ville. C'est clair, ça. C'est complet? Parfait. Monsieur Saint-Germain, voulez-vous répondre? Oui, ouais, allez-y. Peut-être rapidement. Évidemment, au niveau culturel, à Trois-Rivières, on dépense quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis je vous dirais qu'au cours des dernières années, nécessairement que l'amphithéâtre a occupé beaucoup la place aussi pour les investissements à Trois-Rivières au niveau culturel. Essentiellement, Trois-Rivières est une ville d'histoire et de culture. Il faut maintenir ça, puis il faut s'y prendre de la meilleure façon possible. Parfait. Merci. Monsieur Ramla, votre deuxième question, allez-y. Oui, alors, me revoici. On a parlé tantôt un peu d'immigration. Moi, étant issu d'immigration maghrébine, mais ça fait très longtemps que je suis arrivé, en fait, je me sens quand même assez intégré à la société québécoise. Cependant, je regarde, par exemple, ma mère qui a un doctorat, en fait, deux doctorats, puis malheureusement, elle travaille dans une garderie. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour intégrer mieux les immigrants, les nouveaux arrivants au marché de l'emploi, parce qu'on a beau dire que oui, les immigrants doivent faire l'effort pour s'intégrer, mais je pense aussi que ça passe principalement par l'emploi. Donc, je me demandais à ce niveau-là, j'aimerais ça vous entendre sur ce sujet. Excusez-moi si ma question exaspère certains candidats, là, je voulais pas... Parfait. Vous voulez répondre en premier, M. Oui. Martin? Allez-y, oui. Dès maintenant. Donc, je reviens encore à ma table de concertation, un comité de jeunes, un comité d'aînés, que ta mère peut faire partie sur le comité d'aînés. On va être bienvenue, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Travailler ensemble, c'est beau? Parfait. Il y aurait Mme Girard. Ensuite, ce sera à vous, Mme Dufresne. Ça vous va? Parfait. Mme Girard, allez-y. Écoutez, c'est un problème qui est vraiment connu et qu'on n'arrive pas à solutionner correctement. On parle notamment de reconnaissance des diplômes. Et je sais qu'il y a eu des efforts très importants dans certains domaines. Il y a des tables de concertation entre le Québec et certains pays, notamment la France. Pour arrimer la reconnaissance des diplômes. Alors, c'est peut-être une des solutions, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reconnaît le diplôme, bien, on donne accès aux emplois qui correspondent à la formation des gens et à l'expérience des gens. Mais dans le cas de votre mère, vous dites qu'elle a un doctorat qui lui permettrait... Je vais reposer une question, excusez-moi, là, mais est-ce qu'elle aurait une possibilité... d'emploi ici? Est-ce que son domaine est spécialisé? En fait, elle détient un doctorat en médecine vétérinaire qui a été reconnu comme un baccalauréat en santé animale et également une maîtrise en biologie animale qu'elle a faite à l'Université de Montréal. C'est très étonnant qu'elle n'arrive pas à se trouver un travail dans son domaine, notamment dans le monde de la médecine vétérinaire. Parfait. Merci. Madame Dufresne, c'est à vous. Pour répondre à la question, moi, je suis depuis 2 ans présidente de la politique de la famille. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des immigrants à Trois-Rivières actuellement, il n'y a rien au niveau des politiques. Et c'est le prochain pas qu'il faut faire. Et avant de faire une politique, ça prend de la concertation. Parce que oui, il y a un accueil, mais au niveau de la ville, comment on peut créer des liens, puis vous accueillir, puis vous intégrer dans la population. Et les prochains pas à faire pour la ville de Trois-Rivières, ce ne sera peut-être pas une politique sur l'immigration, mais voir comment on va vous intégrer. Il va falloir qu'il y ait des projets qui sont spécifiques à l'immigration, mais ça va débuter par une consultation, c'est évident. On l'a fait pour les aînés, les familles, et là, on est rendu là. Parfait, merci. C'est au tour de Mme Tardif de s'exprimer. Vous avez également une minute. Merci. L'histoire de votre mère, je l'entends régulièrement. Juste vous dire que dans les petites entreprises qu'on a créées, nous, on a créé une entreprise, un service de traiteur, et notre livreur, c'est un ingénieur mécanique. Et il nous vient de la Colombie. Parce qu'il n'est pas capable de se trouver d'emploi ailleurs, mais il est très bien chez nous, là, mais... Dans notre organisme, dans l'organisme dans lequel je travaille à Concept, il y a quart des employés sont des immigrants, dont Mathieu ici, qui est de l'île de La Réunion. Et nous autres, on doit commencer, la ville, à donner l'exemple. Augmenter notre quota de personnes immigrantes dans ceux qu'on engage. On a des quotas qui nous sont mis par le gouvernement du Québec, mais de faire en sorte d'augmenter ce quota-là, puis nous, de donner l'exemple, parce qu'effectivement, il y a des talents avec plein de diplômes qu'on ne se sert pas assez, puis qu'on ne met pas assez à profit dans notre ville. Merci d'avoir posé cette question-là. Parfait. Merci, Mme Tardif. Monsieur Saint-Germain, c'est à vous, en dernier tour de parole. OK. La loi sur les professions du Québec, qui est une loi provinciale, vient limiter beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accès à plusieurs professions au Québec des immigrants. Pour parler de l'Ordre des comptables agréés, l'Ordre des comptables professionnels agréés maintenant, nous, on avait un droit d'aller pratiquer aux États-Unis pendant de nombreuses années. Puis à un moment donné, ils ont exigé de certaines nationalités des examens, de faire des examens. Et donc, par conséquent, les Canadiens ont été tenus de faire les examens. Pour accéder à une profession, c'est l'Ordre au Québec qui décide des critères pour adhérer et souvent, il faut refaire les examens et se réinscrire comme un étudiant. Ceci étant dans le but de protéger le public. Mais je suis d'accord sur un point, c'est que ça va prendre une discrimination positive au niveau de la ville pour faire en sorte que des immigrants puissent venir travailler à la ville. Alors, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas cette discrimination positive-là, on va avoir la misère à obtenir une certaine équité. Parfait. Merci, M. Saint-Germain. Mme Girard a demandé d'avoir 10 secondes de son temps accumulé. Je vais lui concéder, mais c'est... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut cesser aussi de... Ah oui, il faut cesser de dire, de penser que les villes, les cités et villes ont des pouvoirs dans tous les domaines d'activité de la société. Ce n'est pas le cas. Et dans le cas de l'immigration, rappelons-nous que c'est le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles qui... accueille, qui recrute et qui intègre, qui est responsable de l'intégration des immigrants. Alors oui, la ville doit travailler avec le ministère, mais on n'a pas toutes les responsabilités. Là. À un moment donné, il faut en laisser un petit peu au palier supérieur. Parfait, merci. Donc, merci M. Ramla pour vos questions. En dernier tour de parole de la part des étudiants, et ensuite on va devoir clore l'émission parce qu'on a déjà défoncé le temps, malgré que vous l'avez respecté. On a quand même dépassé. Donc, monsieur... Michael Magny, je suis le vice-président ici à la vie associative et à l'environnement. Ma question porte sur le développement durable, mais je vais aussi mettre à l'épreuve votre créativité et votre pragmatisme. Il y a deux terrains vagues dans le quartier étudiant ici à côté. Un coin Père Marquette et de Courval. L'autre, à l'ancien emplacement du Gosier, si ma mémoire est bonne, au-dessus du bord de Manchester, dans la côte des Récollets. C'est très laid, les deux sont infectés, je crois. Bon, c'est tout un dossier, mais ma question est la suivante. Advenant le cas que vous ayez l'argent pour partir un projet à ces deux emplacements-là, puis considérant que c'est dans un quartier étudiant, c'est dans le quartier, en fait, qui rejoint et l'université, et le Collège La Flèche, et le Cégep, qu'est-ce que vous feriez comme projet à ces endroits-là? Parfait. Est-ce que la question est bien claire? Vous savez de quel endroit on vous parle? Vous avez le Gambrinus, qui est un endroit très obscur qui fait compétition à la chasse-galerie. Vous descendez un peu la côte, puis vous allez voir un grand terrain vague. C'est une ancienne bétonnière de mémoire qui est là. Et vous avez juste à côté de la crèmerie qui est sur le boulevard des Récollets, un espace qui sert à entreposer du ciment sur le sol. Ça serait les deux points. Je ne sais pas si ça vous dit quoi au niveau géographique, là. Parfait. Madame Tardif, vous avez demandé d'avoir le premier tour de Carole. On va y aller dès maintenant. Effectivement, moi, je connais le lieu, un des lieux en question, puis ça va trahir mon âge, là, c'était le Gosier qui était là à l'époque, un endroit où j'ai beaucoup, beaucoup été dans ma jeunesse. Et ça passe au feu, puis le terrain est contaminé depuis ce temps-là. Puis c'est vrai que c'est un terrain, en plus, sur un artère très, très passante. Et il est pas mal laissé en friche présentement. Puis c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée de voir comment, à partir de ce terrain contaminé-là, les coûts que ça... qu'est-ce qu'on peut développer dessus? Mais si c'était possible, ça pourrait être une très bonne idée de faire un parc avec des bancs, des poubelles, des endroits où est-ce que les étudiants pourraient prendre la petite crème molle et puis la prendre en bas dans le terrain. Mais c'est vrai que ça pourrait être une très bonne idée de développer ce projet-là avec un, parce qu'on ne peut rien faire dessus, sauf des coûts astronomiques pour pouvoir construire quelque chose sur ce terrain-là. Mais l'idée d'un parc, je pense que ça serait possible. Merci, Mme Tardif. Je suis désolé. Parfait. En deuxième tour de parole, qui désire s'exprimer? Oh, on va y aller avec M. Fortin. Ensuite, ça sera Mme Girard, Mme Dufresne et M. Saint-Germain pour compléter. Excellent. Vous êtes prêts, M. Non, vous n'êtes jamais prêts. Avec les micros. Parfait. Vous êtes prêts. Désolé, ce n'était pas une joke municipale, c'était une joke de micro. Désolé. Parfait. Allez-y dès maintenant. Ce qui est important de savoir, c'est que ces deux terrains-là, possiblement qu'ils ont fait des tests de phase 1, possiblement qu'ils sont rendus en phase 2, phase 3, il faudrait regarder avec le ministère de l'Environnement du Québec qu'est-ce qu'ils sont rendus avec ces dossiers-là. À ce moment-là, il faudrait travailler en concertation avec le ministère de l'Environnement du Québec parce qu'on ne peut rien faire avec un terrain qui, il faut qu'il s'aille décontaminer. Il y a des exigences du ministère à respecter. À ce moment-là, il faudrait s'assurer avec eux pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Et à ce moment-là, est-ce que le gouvernement du Québec donne une enveloppe pour la décontamination? Il faudrait avoir le niveau. Puis à ce moment-là, nous autres, il faudrait s'assurer avec eux autres, peut-être transférer les terrains à la ville pour qu'on puisse les décontaminer, puis que le gouvernement du Québec donne l'argent nécessaire pour le faire. C'est la mécanique est de cette façon-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Fortin. La question maintenant s'adresse à Mme Girard. Vous avez également une minute pour y répondre. Allez-y. Je ne suis pas certaine d'être très créative, mais je sais que ce lieu, ce secteur-là devait être éventuellement un quartier étudiant. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, ça existe. C'est dans le plan d'urbanisme de Trois-Rivières. J'imagine que si on n'a pas donné suite à ce projet-là, c'est à cause de la décontamination. Alors, j'avoue que l'idée du quartier étudiant m'apparaît très intéressante, compte tenu que c'est un lieu qui regroupe l'université, le cégep et le collège de la Flèche, où il pourrait y avoir une activité, un quartier latin à Trois-Rivières. Maintenant, écoutez, je pense que quand je serai à la mairie, là, je vais vérifier avec les urbanistes où on en est là-dedans, mais ce serait intéressant de voir ce qu'on peut faire comme quartier étudiant. J'ai fini. Madame Dufresne, c'est maintenant à vous. Hop, vous pouvez y aller dès maintenant. Alors moi, dans un monde idéal, j'y vois une forêt et un sentier pédestre. On connaît les problématiques d'îlots de chaleur, le béton, ça crée des problèmes de santé, même qu'éventuellement, dans plusieurs années, il va falloir qu'on enlève du béton au centre-ville pour mettre des arbres. On développe, il manque de forêt. Alors moi, je vous dis, s'il vous plaît, arrêtons de mettre du béton puis de s'agiter avec toutes sortes d'infrastructures, gardons de la forêt. Puis moi, c'est ce que je vous propose. Parfait. Monsieur Saint-Germain, c'est maintenant à vous le tour de parole. Allez-y dès maintenant. J'imagine, si vous posez la question, c'est que ça vous préoccupe. Vous avez des préoccupations, vous devez avoir des idées sur ce qu'on devrait faire avec ces terrains-là. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces terrains-là? Ben oui. Pas des escaliers qui coûtent trop cher. La bétonnière pourrait aller récemment. Il y a un potentiel d'environ 5 blocs appartements. Il y aurait moyen au premier étage de ces blocs-là de faire des salons de coiffeur parce que c'est un quartier étudiant et des fois, il faut qu'on aille loin pour se faire couper les cheveux. Librairie. Oui, non, moi, c'est un peu drôle. Aussi, librairie, café, etc. Là, bref, ça a un potentiel économique, entre guillemets, parce que développement durable, c'est pas strictement l'environnement. J'aime ça, les parcs. Mm-hmm. Mais avoir aussi un autre service, c'est un endroit clé. Puis, ben, c'est ça. Je voulais savoir qu'est-ce que... Oui, c'est pas cher. OK. Merci beaucoup. On va en tenir compte dans notre projet. Mm-hmm. Parfait. Excellent. Comme c'était déjà la dernière question de la part des étudiants et étudiantes, bien sûr, maintenant, on passe au mot de la fin, qui est malheureusement toujours le plus morbide comme mot. Hop, et voilà. Remerciement à clôture. Donc, je tiens à vous remercier l'ensemble des candidats et également M. Lévesque de nous avoir fait venir sa chaise. Parfait. Merci beaucoup. Sérieusement, c'est très apprécié votre venue. C'est très apprécié. Ça a été diffusé sur C'est fou 89.1. Donc, il y a beaucoup plus de personnes que les gens qui sont ici qui ont pu vous entendre, avoir vos interventions, pouvoir voir quels sont vos plans, vos développements. Et croyez-nous, c'est très intéressé que nous sommes par les projets et par les élections au niveau municipal. Et surtout, n'oubliez pas que le plus important dans tout ça, c'est d'aller voter. Vous venez d'entendre la tribune des candidats à la mairie de Trois-Rivières aux élections municipales de 2013, présentée par CIFOU et l'Association générale des étudiants de l'UQTR.